Chapitre 5e. Galla était assise à table, calme comme à son ordinaire, entre Rusticus et sa femme. En face d'elle, le père Grumion, tout frémissant encore de l'alarme de tout à l'heure, célébrait en termes lyriques l'héroïsme de la jeune fille et versait des larmes d'attendrissement dans ses lentilles au lard. Tout entière au récit, la grosse Rustica joignit les mains et poussait des exclamations de pitié et de terreur. Ils étaient au moins 10 avec 5 ou 6 gros chiens dévorants, disait le père Grumion, qui paraissait avoir vu double. Ah, j'ai bien cru que ma dernière heure était venue, et que je m'en irais avant d'avoir fait la vendange. Mais le plus méchant était encore ce jeune. Comment l'appelles-tu, Galla? Oh, je n'ai plus ma mémoire d'autrefois. J'ai le nom sur le bout de la langue, mais il ne veut pas en sortir. Pudentius, dit tranquillement la jeune fille. Oui, c'est cela, Pudentius. Sans doute le fils du prince du Sénat, demanda Rusticus d'un air soucieux. Fils du prince du Sénat ou non, si vous aviez vu comme Galla lui a parlé, les éclairs lui sortaient des yeux. Elle avait l'air de Minerve, vous savez, celle qui est au Capitole, le bras levé, et qui est si majestueuse. Oh, père Grumion, dit Galla en riant, vous allez trop loin, et je ne crois pas que Minerve ait jamais mangé des lentilles au lard. Possible, possible, fit le vieillard. Mais ce n'est pas à dire que j'ai perdu la raison parce que ces drôles m'ont battu, à coups de baguette, comme un vieux tapis. Comment? Dit Rustica à sa fille, tu osais tenir tête à un patricien? Pourquoi pas? Répondit Galla. Mais songe donc, un patricien, le fils d'un homme, qui est le chef du Sénat, qui a gouverné la République, et nous, pauvres paysans, que sommes-nous auprès de ces gens-là? Sais-tu le mal qu'ils pourraient nous faire s'ils le voulaient? Quel courage il t'a fallu, Galla? Pas autant que vous le croyez, ma mère. Je me suis seulement rappelé ce que vous m'avez appris, qu'il faut détester l'injustice et défendre le faible contre les attaques du fort. Je ne voudrais pas pour 100 000 sesterces, dit à son tour Rusticus, que tu n'aies pas agi comme tu l'as fait, et ce serait à recommencer, Galla, que je te conseillerais de suivre encore les inspirations de ton cœur. Mais croyez-moi, mes amis, et vous surtout, père Grumion, moins nous parlerons de cette affaire, mieux cela vaudra. Quand j'étais tout petit, mon père me prenait entre ses genoux, et pour m'enseigner l'humilité, et il me racontait la vieille histoire d'un pot de terre qui voulait un jour lutter contre un pot de fer. Vous devinez qui fut battu. Ce n'est pas à dire qu'il faille faire les chiens couchants devant ces fiers patriciens. Assez de gens à la ville se chargeront sans nous de ce soin. Mais évitons leur présence autant qu'il nous est possible et travaillons sans rien demander à personne. Ah, si nous vivions aux temps anciens des Curius et des Fabricius, je vous dirais, marchez le front haut et ne craignez rien. Il y a encore des juges à Rome, mais ces beaux jours sont passés. Et les petits-fils de ces grands hommes, en devenant riches, sont devenus en même temps fourbes, avides et cruels. Donc plus un mot là-dessus, et remettons-nous à l'ouvrage. Grumion et Rustica sortirent. La jeune fille, restée seule avec son père, remarqua avec peine que son front chargé de nuages depuis le commencement du repas ne s'était pas éclairci. Elle s'approcha et déposa un baiser sur ses cheveux gris. « Aurais-je commis une imprudence, mon père, et croyez-vous réellement à quelque danger ?»« Tu as fait ton devoir, ma fille, » répondit Rusticus d'une voix grave. « Mais il faut tout attendre de l'orgueil blessé d'un patricien. » À quelques jours de là se firent les vendanges au village. C'était alors pour les paysans, plus encore qu'aujourd'hui, l'occasion de fêtes bruyantes qui se prolongeaient bien avant dans la nuit. On criait beaucoup, ce qui est en tout pays la façon ordinaire de s'amuser. On buvait plus encore, et Galla elle-même, après avoir trempé ses lèvres fraîches dans le vin doux, ne rougissait pas de se mêler à ses compagnes et de former avec elle, au clair de lune, des chœurs d'encens en l'honneur du dieu Bacchus. Cette année-là, cependant, à la fin de la première journée des vendanges, elle se sentit plus triste que d'habitude, et elle repousse avec douceur toutes les propositions qui lui étaient faites. Comme on la savait sérieuse, mais point maussade, les folles jeunes filles qui étaient venues la chercher chez elle s'envolèrent dans une nouvelle direction et elle les vit partir sans regret. « Galla, ma chérie, » lui dit en riant Rustica, qui était seule avec elle, le père n'étant pas encore rentré de sa vigne, « comme tu deviens vieille à présent, une jeune fille qui refuse de danser un soir de vendange, cela ne se voyait pas de mon temps. Combien de fois ai-je dansé ainsi avec ton père les premières années de notre mariage ?» « Quoi, le père aussi ?» dit Galla. « Il est si grave et si sérieux aujourd'hui. »« Oh, il n'a pas toujours été ainsi, » fit Rustica. « Quel beau jeune homme il faisait, et fort. Après avoir passé la nuit à sauter, l'aube le renvoyait à l'ouvrage, aussi frais et aussi dispos que s'il eût passé 12 heures dans son lit. » Et tu sais, ma fille, sur toute la ligne des vendangeurs, aucun ne cueillait plus soigneusement les raisins, aucun n'emplissait plus vite son panier que lui. Je le crois sans peine, mère, répondit Galla. Pourtant, je ne me figure pas Rusticus la tête couverte de pampres. Et gambadant, au milieu de vendangeurs à moitié ivres. Pourquoi pas le père Grumion, alors? Et Grumion aussi, dit Rustica, bien qu'il marche aujourd'hui à quatre pattes, comme notre chien Vorax. Comme tu es folle pourtant, ma colombe. Il y a des jours où tu es si sérieuse que tu me fais peur, et il y en a d'autres où tu raisonnes comme un enfant de 8 jours. Grumion était jeune, comme nous tous. Mais toi, tu l'es toujours, dit Galla, en embrassant avec effusion les joues un peu tombantes, mais encore fraîches et pleines de la paysanne. Je le serai, Galla, tant que tu m'aimeras. Alors, s'écria la jeune fille, prépare-toi à ne jamais mourir. Et elle embrassa de nouveau sa mère adoptive. À propos de Grumion, dit celle-ci, il m'a rapporté, il y a tantôt 1 heure, un panier de raisins qui était expressément destiné. Je l'ai mis au frais dans le cellier. Si tu veux en manger une grappe. Oh, mère, je me suis rassasié de raisins pour le reste de ma vie, et pourtant ceux-là sont fort beaux. Si tu voulais, mère, il n'est pas encore bien tard. Sais-tu ce que je ferai? Non, ma bien-aimée, mais je suis sûr d'avance qu'il n'y a pas de mal dans ce que tu vas me proposer. Eh bien, mère, permets-moi d'aller porter ce panier à l'hôtel de Vesta. C'est une offrande que je lui dois depuis le jour où il m'a protégé contre les scélérats qui avaient envahi la vigne de Grumion, et aucun don ne peut être plus agréable à son cœur que les raisins de cette vigne. Ne peux-tu attendre à demain, enfant? Patiente au moins jusqu'au retour de ton père. Demain, mère, les raisins auront perdu leur première fraîcheur, et de quel front oserais-je offrir à la déesse des fruits que j'aurais presque honte de porter au marché? Non, non, il faut que ce soit aujourd'hui, où Vesta attendra une occasion plus favorable. Mais ton père, enfant, ton père, que dira-t-il? Rien, répondit Galla, qui était sûr de son pouvoir sur Rusticus. Mais je ne veux pas l'attendre, parce qu'il se croirait obligé de m'accompagner, et il a assez travaillé, le pauvre père, pour avoir droit au repos quand sa journée est faite. « Bah donc, ma Galla chérie, » dit Rustica, qui n'avait pas l'habitude de résister à la bien-aimée de son cœur. « Mais reviens le plus vite possible, car j'ai peur que le père ne me gronde de t'avoir laissé partir. »« Je serai là pour te défendre, » dit Galla. « Le soleil se couche à peine, et la distance n'est pas longue d'ici au temple de Vesta. » En parlant ainsi, elle mit sur sa tête le panier de raisin, recouvert d'une serviette blanche, et s'éloigna d'un pas ferme et cadencé, pendant que Rustica rentrait chez elle, inquiète malgré tout de la permission si facilement accordée. Il y avait environ 1/2 lieue du village au temple de Vesta, et Galla eut bien vite parcouru cette distance. Les ombres de la nuit tombaient déjà sur la terre, mais la route était encore pleine de vendangeurs qui rentraient en chantant et saluaient la jeune fille au passage d'un bonsoir joyeux. Des voitures roulaient, rapides, sur la voie aurélienne, et il y avait dans l'air tant de gaieté, tant de bruit et de mouvement, que Galla fit le trajet sans s'en apercevoir. Elle franchit d'un pied leste les marches moussues où 17 ans auparavant Atarbas l'avait abandonnée par une fin de journée semblable, et entra résolument dans le sanctuaire, plus désert et plus délabré que jamais. Mais ni l'ombre ni la solitude n'étaient faites pour effrayer un cœur aussi ferme que le sien, et elle s'approcha sans crainte de l'autel poussiéreux pour y déposer sa corbeille de raisin. Depuis sa naissance, elle avait été nourrie dans le culte de la déesse qui régnait en ce lieu. Elle croyait à son pouvoir aussi fermement qu'à sa propre existence, et ce fut dans toute la sincérité d'une foi naïve et dans toute l'innocence d'un cœur pur de jeune fille que, debout, la tête légèrement inclinée et s'adressant à la déesse présente, quoique invisible, qui l'écoutait, elle la supplia d'agréer sa modeste offrande. Mais pendant que, plongée dans une extase profonde, Galla se donnait tout entière à Vesta, la nuit venait au dehors avec rapidité. Au loin cessait le bruit des roues sur la voie aurélienne, les cris et les chants se perdaient dans l'espace, et des voûtes du vieux temple une fraîcheur glaciale tombait sur les épaules de la jeune fille. Toute frissonnante, elle se dirigea à tâtons vers le seuil. Elle l'avait franchi et posé le pied en pleine nuit sur la première marche, quand une main brutale, une main d'homme, calleuse et couturée, s'abattit sur sa bouche délicate. Une autre lui saisissait en même temps le poignet droit comme avec une pince de fer. Galla crut d'abord à une grossière plaisanterie de vendangeur un peu trop gaie, mais sur les mots qu'elle entendit, « Vite, vite, enlevez-la » prononcée par un homme qui n'avait pas pris part à l'attaque et qui se tenait caché sous l'ombre épaisse des noyers, elle connut à l'accent et au ton qu'elle n'avait pas affaire à des paysans. recouvrant alors le sang-froid dont la nature l'avait doué, mais qu'une agression aussi brusque et aussi inattendue lui avait un moment fait perdre, elle rassembla toutes ses forces et donna du poing gauche qui lui restait libre en plein dans le visage de l'un des assaillants. Surpris à son tour, il perdit l'équilibre et roula en bas des marches en proférant une malédiction en grec que Galla ne comprit pas. Mais peu lui importait d'ailleurs, elle ne s'attarda pas à en chercher l'explication. Ayant ainsi recouvré la libre disposition de ses mains, en vraie fille de Rusticus, rompue dès l'enfance aux durs travaux de la campagne, elle s'en servit pour étreindre désespérément la gorge de l'autre adversaire. Bien qu'elle étouffât elle-même et qu'elle sentît des ongles s'enfoncer dans ses joues comme des serres d'oiseaux de proie, elle ne lâcha pas prise, sentant s'éveiller en elle des ardeurs de vengeance qu'elle ne soupçonnait pas et comme le cri d'un sang qui n'avait pas parlé jusque-là. Jamais un homme n'avait encore levé la main sur elle, et le contact de la brute qui s'attachait à sa personne lui causa encore plus de dégoût que de peur. Enfin, sans un mot, sans un cri, après une lutte qui dura quelques instants à peine, mais qui lui parut d'une longueur mortelle, elle l'entendit qui râlait, le repoussa d'un dernier effort, se trouva libre et prit la fuite vers la voie aurélienne. « Calliclès, Artabas !» s'écria le troisième personnage qui s'était tenu à l'écart pendant l'attaque et qui n'était autre que Styrax. « Hâtez-vous, courez à rattraper là ou nous sommes perdus ?» Il s'élança lui-même, serré de près par ses deux complices, à la poursuite de la fugitive. Mais celle-ci, plus jeune et plus agile que ses agresseurs, se sentait sur un terrain sûr. Elle courait sur les dalles de la route, dans la direction du village, en poussant des cris désespérés. « Au secours, citoyens, au secours !» Tout à coup, au moment où elle croyait déjà sentir sur ses épaules le souffle de Styrax, qui courait en désespéré, voyant la potence pour lui et ses camarades au bout de ses méfaits, des noires profondeurs de la route jaillirent des lueurs innombrables de torches. Des licteurs apparurent, de chaque côté de la voie, secouant des branches de résine enflammées. Des cavaliers, qui accouraient à bride abattue avec un cliquetis d'armes et de lances, se rapprochèrent en un clin d'œil de Galla et de ceux qui la poursuivaient, et du milieu de ces cavaliers sortit une voix sévère qui disait « Licteurs, arrêtez ces misérables et amenez-les sur le champ devant moi !» La voix qui parlait ainsi avait l'habitude d'être obéie sans retard. En un instant, les trois coquins dont il s'agissait furent saisis, étroitement garrottés et traînés devant le chef de la troupe, vieillard aux traits durs et à la barbe blanche, dont l'armure dorée jetait au feu des torches des éclairs dans la nuit sombre. « Avance ici, jeune fille, dit le vieillard, et parle sans crainte. Les magistrats de la République romaine veillent jour et nuit sur la sûreté des citoyens, et si tu demandes justice, ce n'est pas Pudentius qui refusera de t'écouter. » C'était en effet Pudentius, trois fois consul et prince du Sénat, qui revenait à Rome, après avoir terminé en Ombrie, et plus vite que son fils ne se l'était imaginé, une mission qui lui avait été confiée par le gouvernement de la République. Galla, encore toute tremblante du danger qu'elle venait de courir, obéit à l'invitation qui lui était faite et raconta ce qui s'était passé. Sa tenue décente, son air modeste, le sang qui coulait encore des meurtrissures que lui avait faites Artabas parlaient en faveur de sa sincérité. « Par Jupiter !» s'écria Pudentius. « Si ce que tu dis est vrai, jeune fille, l'homme ne se lèvera pas avant que ces coquins n'aient expié leur forfait. « Allons, Borien, parlez à votre tour et pesez bien ce que vous allez dire. « Mais qu'ont-ils donc à se détourner, à cacher leurs immondes visages ?»« Par la tombe de mes aïeux, voilà une pudeur qui n'est pas de saison. « Et tout le monde pourra les voir demain matin suspendu par le cou à la première branche que nous rencontrerons. » Les trois coupables se taisaient et essayaient de se tenir en dehors de la lumière des torches. Mais saisis par la poigne vigoureuse des licteurs, ils furent enfin traînés devant le cheval de Pudentius. « Grand Dieu !» s'écria celui-ci au comble de l'étonnement. « En croirais-je mes yeux ? Quel est ce prodige et que dois-je attendre de l'avenir si mon retour à Rome me réserve de pareilles surprises ? Est-ce bien Styrax que je vois devant moi ?» Styrax confessa humblement son identité en baissant la tête sans rien dire. « Et non seulement Styrax ?» continua Pudentius, « mais Calliclès, mais Artabas ? Comment, gibier d'enfer, grenier à coups de verge, vous profitez de l'absence de votre maître pour courir la campagne et détrousser les passants ? Licteur, déliez vos faisceaux. » La situation devenait grave. Galla, prise de pitié, s'avança pour sauver ses misérables agresseurs. « Si ce sont là vraiment tes esclaves, maître, pardonne-leur ce qu'ils ont fait et ne leur ôte pas la vie. Galla te demande en grâce de ne pas mettre de sang sur sa robe de jeune fille. « Ce que tu demandes est impossible, » répondit Pudentius d'un ton ferme. « Ces hommes t'ont lâchement attaqué au mépris de la loi. Ils périront. » Styrax, pâle d'angoisse et qui sentait déjà la corde fatale s'enrouler autour de son cou, regarda ses deux compagnons. Atarbas, stupide et résigné, attendait son sort avec l'impassibilité d'un oriental. Mais Calliclès, décidé à se défendre jusqu'au bout, prit la parole. « Si tu dois punir le bras qui a exécuté le crime, Pudentius, tu dois aussi frapper la tête qui a ordonné. »« Et ainsi ferai-je, » dit le prince du Sénat, « quand tu me l'auras fait connaître. »« Frappe donc ton propre sang, Pudentius, » reprit Calliclès, « car c'est ton fils qui a tout fait. »« Tu mens, chien, fils de chien !» s'écria le sénateur, mis hors de lui-même par cette révélation si inattendue. « Je te ferai expier ton imposture sous le fouet. »« Je ne mens pas, » dit Calliclès, « et tu dois m'écouter avant d'ordonner mon supplice. Comment des esclaves tels que nous auraient-ils osé porter la main sur une citoyenne ?»« Parle, Styrax, et dis-moi que cet impudent hâbleur a menti. » Styrax hésita avant de parler, mais le courroux du père était prêt et celui du fils était loin. Il se décida à répondre. « Par ton génie, Prudentius, Calliclès a dit la pure vérité. » Et nous n'avons été en tout cela que les humbles exécuteurs des volontés de ton fils. « S'il en est ainsi, dit le sénateur, mon fils lui-même n'échappera pas au châtiment. Mais je veux l'entendre avant d'ordonner votre mort. Licteurs, assurez-vous de leur personne et menez-les enchaînés à Rome. Votre tête me répond de la leur. Quant à toi, jeune fille, guide-nous vers ton village. Nous allons t'y reconduire et te remettre entre les mains de tes parents. » Le cortège allait se remettre en marche quand on vit des lumières briller dans les champs. Des lanternes se promenaient çà et là aux quatre coins de l'horizon et des cris retentissaient de tous côtés appelant « Galla ! Galla !» C'étaient les habitants du village, ayant à leur tête Rusticus et sa femme, que la disparition de Galla avait mis en émoi. Des cris répondirent à leurs cris et bientôt les paysans apparurent, armés de bêches et de fourches. Galla, qui succombait à tant d'émotions, se jeta en pleurant dans les bras de son père et ne put que lui montrer du geste son libérateur à cheval au milieu de son escorte militaire. « Adieu, jeune fille, » dit Pudentius, ému malgré lui par le spectacle qu'il avait sous les yeux. « Rentre chez toi et console tes vénérables parents. Demain il fera jour et nous pourrons causer à loisir. Viens me trouver à Rome vers la quatrième heure, et s'il m'est prouvé qu'un Pudentius t'ait fait du tort, le soleil ne se couchera pas de nouveau avant que le chef de la famille n'ait su le réparer. Adieu. » L'ordre du départ fut donné, la bride fut lâchée aux chevaux qui piaffaient impatients sur les dalles, et la troupe de cavaliers s'élança de nouveau dans la nuit, laissant derrière elle un long sillage de fumée et de feu. Quant aux paysans, ils reprirent le chemin du village, et quand Galla, arrivé au seuil de sa chaumière, voulut les remercier de leur sollicitude et de leur dévouement, la pauvre enfant, qui n'avait jamais souffert jusque-là, ne trouva que des larmes.